Ah ouais, t'as Kyle et tout. Wesh Radmou, bien ou quoi? Ouais, ça va, tranquille, hein, poto, voilà. Voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi? T'entends pas ou quoi, mon pote? Voilà, et vas-y, je sais pas ce qui s'est passé. L'autre, il pète sa bouche, ils ont pété tout le monde. Voilà. Ah ouais, par là, c'est la merde, mon frère, voilà. Enfin, attention. Ah, faut se vesquer, gros. Ah, t'as tout compris, par là, faut se vesser, hein. J'ai juste ça à dire, hein. Ok, mon pote. Je rêvais de grosses tasses, tasses. Un cassage de porte, porte. Et c'est mes cauchemars qui remontent à la surface. La daronne en pleure, le daron me note et que Dieu me pardonne. Car je le crains, mais je crois aussi au vice de forme. Pour ma fierté, j'ai douillé. Pour mon tier, car j'ai douillé. Après 96 heures de GAF, hamdoulah, j'ai pas été écroué. Qui l'aurait cru? Je visais le ciel, j'ai une descente aux enfers et sans parachute. En pleine chute libre, on risque du ferme. C'est la merde, mon pote. À chaque coin de rue, ça bicrave la mort. Ça tire, ça braque, ça dit deal dans le bloc. Je suis perdu, une grosse peine à deux chiffres. Plutôt crever ou finir berger au pays. La roue tourne, quatre roues motrices. Je tiens la route, un coup de téléphone. Plus de 200 bonbonnes sur la plateforme. J'guette ma proie comme un animal. J'ai les mains propres, produit par l'argent sale. Les tocs sont les viscères. Trop de calculs, trop de bénéfices, ça pue la grosse peine. À deux chiffres, coco, cocaïne. Petit comme Tony, j'ai tété la rue, j'ai tété la rue. Qui l'aurait cru? Je visais le ciel, j'ai une descente aux enfers. Et sans parachute, en pleine chute libre, on risque du ferme. C'est la merde, mon pote. À chaque coin de rue, ça bicrave la mort. Ça tire, ça braque, ça dit deal dans le bloc. Je suis perdu, une grosse peine à deux chiffres. Plutôt crever ou finir berger au pays. Ok, la street m'a tout appris, elle m'a nourri, logé. Donc je la remercie en retour. H24, le même train-train. Gros flingue à la ceinture, de la vodka dans le crâne. Sur le rinté, les ramasseurs de balles suffoquent. Les jaloux s'en mêlent, complotent. J'suis en mode guerre, mais un sous-marin me filoche. Boycott, issu de la banlieue, banlieue nord. International, on fait des passe-passe. Je reviens de loin comme une balle, je suis bilingue. Passe-moi du H, de la repu, une machine à presse. Qui l'aurait cru qu'un bélier toc toc 7 mois après? Qui l'aurait cru? Je visais le ciel, j'ai une descente aux enfers. Et sans parachute, en pleine chute libre, on risque du ferme. C'est la merde, mon pote. À chaque coin de rue, ça bicrave de la mort. Ça tire, ça braque, ça dit deal dans le bloc. Je suis perdu, une grosse peine à deux chiffres. Plutôt crever ou finir berger au pays. Qui l'aurait cru? Je visais le ciel, j'ai une descente aux enfers. Et sans parachute, en pleine chute libre, on risque du ferme. C'est la merde, mon pote. À chaque coin de rue, ça bicrave la mort. Ça tire, ça braque, ça dit deal dans le bloc. Je suis perdu, une grosse peine à deux chiffres. Plutôt crever ou finir berger au pays.